Alright, bienvenue à l'autre monde. Tous, chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 2 avril 2009, je me nomme François Marchenant, et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Donc, cette semaine, nous allons toucher, évidemment, encore au dossier de l'économie, il y en a énormément à dire, nous n'aurons sûrement pas le temps de faire encore tout le tour. Alors que dans la première partie, nous allons faire le tour des nouvelles internationales avec justement la chronique LNI, la chronique Les Nouvelles Internationales. Pourquoi ce nom? Parce que toutes les nouvelles dont je parle ici sont en lien sur le blog officiel qui est lié avec ici L'Autre Monde. Donc, vous allez pouvoir trouver tous les liens, toutes les informations vers les articles qui sont discutés ici sur l'émission. Donc, cette émission est documentée. Alors voilà, donc nous allons commencer. C'est une semaine encore très lourde en nouvelles et en actualité. Donc, vous savez, la semaine passée, on a eu une entrevue, donc on n'a pas pu traiter l'actualité. Donc, on va essayer de couvrir à peu près tout ce qui est le plus important dans l'actualité. Vous allez aussi, comme je vous disais, trouver toutes les nouvelles. C'est des nouvelles qui, des fois, sont rapportées par les médias de masse, autant que des nouvelles qui viennent des médias alternatifs. Quoi qu'il en soit, l'information est vérifiable et puis, évidemment, très importante. Donc, moi, je vous encourage à aller lire plus en détail les articles, toutes les informations pertinentes par rapport à ça. Donc, moi, j'essaie ici de stimuler votre réflexion, stimuler votre attention. Donc, essayer de vous glisser les nouvelles les plus importantes, essayer de vous montrer un peu là, ce qui se passe sur la scène internationale et puis aussi nationale. Oui, aussi un effet assez intéressant ici sur L'Autre Monde, c'est que justement, en procédant de cette façon-là, en accumulant les nouvelles, bien souvent, après une semaine ou deux semaines, il se brosse un certain tableau, une certaine perspective de la situation qui est assez intéressante au lieu d'avoir les nouvelles au compte-gouttes. Donc, en les mettant ensemble, bien souvent, on voit plus de tendances apparaître et puis on est capable de pouvoir concentrer aussi des mouvements, des tendances qui se passent et puis on est capable d'identifier pas mal les choses les plus importantes à considérer. Alors, on va débuter sans plus tarder avec le cas du Canada. Sûrement que vous avez entendu parler de ça. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est de quoi à surveiller. Vous avez le Canada qui a banni M. George Galloway, qui est un ancien représentant au gouvernement en Irlande et puis dans le gouvernement britannique. Et bon, un fervent, je dirais, un fervent opposant à la guerre contre l'Irak et puis aussi la dernière guerre d'Israël contre la bande de Gaza. Donc, M. Galloway est loin d'avoir sa langue dans sa poche. Et puis, évidemment que ça l'énerve certaines personnes, dont les lobbies juifs, les lobbies israéliens ou sionistes. Et vous avez la Ligue pour la défense juive, en anglais qui appelle la Jewish Defense League, qui a mis énormément de pression sur le gouvernement canadien pour interdire l'accès au Canada de M. Galloway, qui était censé venir ici prononcer quelques discours. Et la différence, l'affaire qui est spéciale, c'est qu'on a deux choses ici à retenir de cette nouvelle-là. C'est que la première, c'est que la fameuse Ligue de défense juive a été classée par le FBI comme un groupe terroriste dans son rapport sur le terrorisme de 2000 et de 2001. Et on a référé à ce groupe-là de la part du FBI en parlant de la Ligue pour la défense juive comme étant une organisation juive violente et extrémiste. Donc, vous comprenez que c'est assez spécial de voir cette organisation-là qu'on dit violente et extrémiste avoir autant de pouvoir d'influence sur le gouvernement du Canada. Et on a évoqué des raisons en carton pour justement interdire la venue de cet homme-là ici au pays, en justement bafouant cette liberté d'expression-là. Hein, si on se fait encore de l'illusion que le Canada est vraiment un bastion de protection de la liberté d'expression, eh bien, il va être temps que les gens commencent à se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, on a utilisé les fameuses lois contre le terrorisme et la sécurité nationale pour essayer de lier M. Galloway avec le terrorisme, alors que M. Galloway, justement, condamnait la guerre qu'Israël faisait à Gaza et puis les massacres qui ont été accomplis. Donc, si on critique Israël, eh bien, ça veut dire, selon ces gens-là, que on supporte les terroristes. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a réussi à, jusqu'à date, en tout cas, à justifier l'interdiction de M. Galloway de venir au pays prononcer certains discours. Alors, nouvelle assez spéciale à les consulter. Dans une autre nouvelle, on apprend que l'OTAN va fêter ses 60 ans. Et nous avons la chance de voir de quoi de s'intéressant se passer si nous allons avoir un meeting de l'OTAN qui va avoir lieu en Europe. Et on sait qu'il va y avoir beaucoup de manifestations contre cela parce que déjà, vous savez, en République tchèque, 70% des citoyens là-bas s'opposent au bouclier antimissile et à la coopération plus étroite avec les États-Unis sur leur territoire, sachant bien que l'OTAN, à la fin de la guerre froide, au lieu d'être démantelé, aurait dû en fait être démantelé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de transformer cet outil militaire-là comme étant, si vous voulez, un genre de véhicule, la police internationale, une police militaire mondiale qu'on a essayé de garder en place et puis de justifier avec, différentes affaires, là, comme on a vu les attaques contre la Yougoslavie. D'ailleurs, on a eu les anniversaires de ça la semaine passée. Le 10e anniversaire des attaques au Kosovo et puis en Yougoslavie, et alors qu'on avait appelé cette guerre-là une guerre humanitaire, on s'est aperçu que de l'uranium appauvri avait été utilisé dans plusieurs régions de la Yougoslavie, condamnant la région entière à être contaminée avec la radioactivité qui va rester là, qui a une demi-vie de 4,5 milliards d'années, qui est l'âge de la Terre. Vous avez ce meeting-là qui va se passer là. Pourquoi? Parce que on veut essayer d'agrandir le pouvoir de l'OTAN et puis d'inclure d'autres pays comme ça, et puis tranquillement encercler la Russie. Et vous savez que dans tous ces genres de guerres-là, comme la guerre contre l'Irak et puis la guerre en Afghanistan, on utilise des pays qui sont membres de l'OTAN. Quand je dis on, je parle des États-Unis. Donc les États-Unis, évidemment, se donnent le droit d'utiliser ces bases militaires-là, d'utiliser le territoire de différents pays qui sont membres de l'OTAN. Et vous savez qu'évidemment qu'il y a plusieurs citoyens de plusieurs pays, comme ici on parle dans l'article de l'Italie, de la Grèce et puis d'Espagne, que vous avez, c'est ça, une opposition publique qui est très large et on ne veut pas être instrument à un outil militaire tel qui finalement se trouve à être plutôt le bras armé de la grande business que finalement être un outil militaire pour se vraiment se défendre contre des attaques, des vraies attaques quoi, de pays voisins ou peu importe. Donc, on est en train de tourner cet outil-là de l'OTAN depuis plusieurs années à un bras militaire armé comme ça pour imposer, si vous voulez, l'hégémonie des États-Unis, l'hégémonie financière anglo-saxonne. Donc, un article assez intéressant où on est en train de voir que la population mondiale est en train de se révolter contre ces affaires-là. Ensuite, une autre grosse nouvelle très importante à consulter cette semaine, et puis j'imagine que c'est dans les médias aussi, sauf que le traitement de cette nouvelle-là par les grands médias est absolument biaisé. Et vous devez comprendre qu'on est en train de réinstituer un service obligatoire aux États-Unis, donc une conscription obligatoire pour un service gouvernemental, si vous voulez, un service public national qu'on appelle. On appelle les gens à faire du bon, à devenir des volontaires, si vous voulez, à faire du bénévolat. Et puis, c'est bien particulier parce que c'est un type de bénévolat qui va être obligatoire. Donc, on se demande quel genre d'oxymoron avec lesquels on joue en ce moment pour essayer de faire passer des pièces de législation qui sont très douteuses. Alors, on est en train finalement de réinstituer aux États-Unis un état de servitude involontaire ou on pourrait carrément appeler d'esclavagisme. Et puis, bon, les gens de différentes strates de la population dont on parle, surtout les 19 à 25 ans, vont être obligés de servir au moins 3 mois dans un programme d'entraînement paramilitaire, si vous voulez. Donc, on va apprendre à manipuler aussi des armes et il va y avoir aussi du service national qui va être demandé dans différents domaines comme l'éducation, les travaux publics et différents trucs comme ça. Donc, ceci est en pleine contravention du 13e amendement de la Constitution. Donc, on voit encore le gouvernement de Barack Obama qui n'a rien à faire de la Constitution et puis contrevient à ce document qui est censé être la fondation même de ce qu'est les États-Unis. Et vous avez donc cette législation-là qui a été votée par le Sénat. C'est pas mal intéressant de voir que on a mis un nouveau visage, si vous voulez, sur le fascisme, sur le totalitarisme aux États-Unis. Un visage de noir et puis un visage sympathique de quelqu'un qui est articulé. Donc, on a l'impression que on a trouvé notre sauveur, alors que vous avez encore affaire à une autre façade des mêmes gens. Si vous saviez le nombre de personnes dans le gouvernement Obama qui viennent de la commission trilatérale du CFR, donc le Council on Foreign Relations. Et puis du groupe des Bilderberg. Donc, si vous remontez dans l'histoire, vous allez voir que tous les présidents à partir de John F. Kennedy ont été membres de l'une ou l'autre de ces organisations-là. Donc, nous avons affaire à un coup d'État silencieux des gens qui se sont organisés en groupe et puis ont pris carrément contrôle de la politique aux États-Unis. Donc, quand on parle de démocratie dans ces pays-là, même ici au Canada, on vit dans une illusion, évidemment. Donc, voilà qu'on est en train de réinstituer cette affaire-là. Et puis, d'ailleurs, Obama avait parlé dans un des discours électoraux qu'il voulait établir une force comme ça, paramilitaire, aux États-Unis, d'une force d'au moins 250 000 personnes, qui va être aussi bien financée et équipée que l'armée elle-même. Donc, ça vous donne un peu une idée dans quelle direction on s'en va. Le dernier à avoir fait ça, c'est carrément Hitler. Hitler qui avait ce qui avait parti ce groupe de en fait ce projet de ce qu'on appelle la jeunesse hitlérienne, hein? Donc c'est ces groupes de jeunes-là qu'on enrôle comme ça de façon mandatoire, donc c'est obligatoire et puis après ça on les lave du cerveau et bon on les lave du cerveau pourquoi, comment? Ben en les infusant de propagande et puis en leur faisant croire à des faux ennemis. Finalement, on se fiche tout le monde aussi en même temps, et puis comment vous voulez, on prend possession de votre labeur, on vous oblige à servir l'État, donc vous devenez des servants de l'État, contre votre gré, contre votre volonté. Donc ça, c'est une nouvelle cruciale, absolument importante. Et puis, vous allez voir aussi dans les d'autres nouvelles que un ancien expert de la CIA a carrément déclaré que les machines à voter électroniques était très facilement infiltrable. On pouvait changer les données, on pouvait leur faire dire n'importe quoi. Donc, ces machines-là sont très loin d'être sécuritaires. Pour donner une idée, les guichets automatiques sont plus sécuritaires et puis ont un système de fonctionnement qui est encore plus ouvert que les machines à voter électroniques. Donc, ça, c'est tous des signes comme quoi que on vous a vendu encore un beau rêve américain avec Obama et puis la démocratie là-bas, comme quoi que les choses étaient pour s'améliorer, puis c'est très loin de s'améliorer. Donc, allez voir ça, c'est des dossiers absolument importants à garder à l'œil. Donc, ensuite, vous avez dans les nouvelles des médias des nouvelles coupures de la part du New York Times et puis du Washington Post. Donc, ces gens-là vont être obligés de mettre à la porte encore plus de personnes, donc des employés, des journalistes. On n'a plus d'argent. Les abonnements sont en baisse. Et on se demande pourquoi, évidemment. Ben, pourquoi? Parce que justement, ces médias-là nous ont menti depuis les dernières années, depuis particulièrement le 9-1. Après ça a justifié la guerre en Irak qui a été complètement basée sur des mensonges. Même affaire pour l'Afghanistan, l'Iran en ce moment, et à peu près tout ce qui se passe d'important dans le fond, et passer dans le distorsionneur de nouvelles, si vous voulez, on spin la nouvelle, on tourne ça comme on veut, on passe d'autres affaires sur silence, et puis on se rende compte à l'échelle globale, c'est pas juste aux États-Unis, c'est partout à l'échelle mondiale, que les citoyens se tournent maintenant vers l'Internet pour leur source principale d'information. On a pas mal déjà dépassé les journaux. Et puis là, on est en route pour aller rejoindre les médias à la télévision. Donc, imaginez comment que la montée de l'Internet est exponentielle et virale. Et il y a des raisons pour ça. C'est qu'à un moment donné, les gens commencent à être tannés de se faire mentir, c'est évident. Vous avez ensuite les reporters sans frontières qui ont publié leur rapport annuel sur la liberté d'expression dans la presse mondiale. Et puis, les États-Unis, cette année, se sont classés en 36e position, une amélioration par rapport à l'année dernière, alors qu'ils avaient été classés en 53e position. Alors, ça, c'est un article aussi important, là, si vous voulez savoir tous les paramètres sur lesquels on se base, là, connaître les questions. Et puis, vous allez comprendre, là aussi, une liste là, des pays du monde. Donc, ça, c'est assez intéressant pour voir aussi le niveau de liberté dans la presse qu'il y a. Et puis, on s'aperçoit que, comme un État, comme les États-Unis, qui est censé être basé sur la liberté d'expression, comment qu'on a pris du recul, comment qu'on en a perdu énormément pour être passé d'être un pays qui était censé être, si vous voulez, le flambeau mondial pour la défense de la liberté d'expression. Comment qu'on est rendu à des niveaux comme les 36 positions dans, sur plusieurs pays. Je crois que c'est environ 170 pays qui ont été classifiés là-dedans. Vous allez voir aussi en premier lieu des pays comme, bon, le Canada, c'est quand même pas si mal, on se classe assez bien. Vous avez l'Islande, le Luxembourg et puis la Norvège se sont classés dans les premiers rangs. Et vous avez, bon, la liste, là, à les consulter, donc allez voir ça, quoi. Une grande des raisons pourquoi que les États-Unis ont pris une si grande débarque depuis, si vous voulez, sa conception, c'est que la plupart des médias maintenant transmettent la désinformation. Et puis, vous savez qu'il y a eu même des cours en justice qui ont été rendus aux États-Unis comme quoi qui déclaraient finalement que les médias n'avaient pas à raconter la vérité, qu'ils n'étaient pas tenus de dire la vérité. Donc, vous savez que aussi les médias, on est parti à peu près 50 corporations hein, qui contrôlaient les médias, à environ 6 en ce moment. Donc, vous avez environ maintenant 6 gros conglomérats médiatiques qui contrôlent toute si vous voulez, l'information et puis la dissémination de l'information aux États-Unis. Et puis, on parle de Time Warner, Disney, vous avez le Murdoch News Corporation, Bertelsmann de Germany, puis vous avez Viacom aussi, qui était l'ancienne CBS, et sans oublier General Electric, qui possède NBC. Donc, vous avez maintenant 6 gros conglomérats qui contrôlent toute la dissémination de l'information. Et puis, on a affaire à des méga corporations qui sont aussi investies dans le complexe militaro-industriel, pharmaceutique et différents trucs du genre. Donc, après ça, on se demande comment ça se fait qu'on a de la misère à avoir des nouvelles qui ont de l'allure. Donc, ça, c'est une concentration des médias qui s'est opérée très rapidement. Donc, on parle des 15 dernières années. On est passé de plusieurs dizaines de grandes compagnies médiatiques à seulement 6. Et puis, vous apprenez aussi dans un article du Jerusalem Post que Murdoch, justement, qui est un des grands propriétaires de ces médias-là, a admis que, justement, il avait sa loyauté avec Israël. Donc, là, c'est carrément un des propriétaires de ces grands conglomérats médiatiques-là qui possède des dizaines et des dizaines de journaux et de postes de télévision qui vient admettre justement que sa loyauté est avec Israël. Donc, après ça, si vous retournez au traitement des nouvelles qu'on a eu droit aux États-Unis durant la dernière attaque contre Gaza, eh bien, vous allez comprendre pourquoi que ce billet-là, évidemment, qu'on essaie tout le temps de propulser dans les médias, essayer de cliner le dos d'Israël et puis de tout placer le blâme sur les Islamiques, les Palestiniens. Donc là, ça vient carrément de la bouche du grand propriétaire. Ensuite, évidemment que l'Internet peut se présenter comme étant une option pour bien des personnes et puis on se rend compte maintenant que la vraie, probablement le dernier bastion de la liberté d'expression est sur l'Internet. Et vous avez évidemment des personnes qui vont essayer de blâmer l'Internet pour tous les maux. Donc, vous avez un descendant du grand Rockefeller qui a déclaré dans les nouvelles que maintenant l'Internet était le danger national numéro un aux États-Unis, hein, pour vous dire. Hein, c'est assez incroyable comment que ces gens-là n'ont aucune honte comme ça. Ils s'aperçoivent bien qu'ils ont perdu le contrôle de l'information et puis de la dissémination de la vérité. Ils ont bien de la misère maintenant à dissimuler leurs mensonges. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement blâmer l'Internet en disant que c'est un danger national. Et puis, bien rapidement, on va nommer tous les blogueurs comme étant des terroristes. Vous pouvez bien vous attendre à ça. Et là, étant donné que plusieurs de ces gens-là sont menacés de fermer porte, On a un article qui nous rappelle que, bon, là, tout le monde est susceptible d'être, si vous voulez, sauvé par le gouvernement. Donc, vous avez une nouvelle législation qui va être introduite cette semaine par le sénateur Benjamin Cardin, qui va s'appeler The Newspaper Revitalization Act. Et puis, ce que ça va faire, c'est qu'on va demander au gouvernement américain d'utiliser un peu de l'argent du plan de sauvetage, hein, de quelques milliards de dollars, et puis venir sauver les médias. Donc, ça, c'est assez incroyable encore, le front qu'on a, de voir que non seulement ces gens-là nous mentent, mais après ça, d'espérer qu'en utilisant l'argent des payeurs de taxes, puis en remontant ces compagnies-là, en leur donnant cet argent-là de façon complètement gratuite qui ne mérite pas, on va espérer que les gens, après ça, finalement, changent d'idée puis recommencent à acheter ces journaux-là, alors qu'on sait très bien que s'ils commencent à faire faillite, c'est simplement parce que les gens ne sont plus satisfaits du travail qu'ils accomplissent. Et peu importe si on est content ou pas, on va prendre la monnaie, on va prendre l'argent des payeurs de taxes et puis on va renflouer ces compagnies-là. Donc, imaginez comment que on assiste carrément là, à un vol de banque, si vous voulez, là, en plein jour, sauf que ce n'est pas un vol de banque, c'est un vol de citoyens. On vole les citoyens comme ça en plein jour et puis il semble que là, aux États-Unis, les gens sont capables d'en prendre pas mal. C'est assez surprenant que les gens ne soient pas encore révoltés contre tout cela. Donc, c'est ça qui en est pour les grands médias. Ensuite, on va se tourner vers un peu des nouvelles de l'État policier. On apprend qu'au Michigan, vous avez un jeune adolescent de 15 ans qui est mort après avoir été victime d'une attaque au taser par la police du Michigan. On a deux adolescents qui étaient en train de se battre et puis on a voulu les séparer. Et puis, on a eu peur des jeunes adolescents de 15 ans, donc on a décidé de déployer le taser. Et puis, après avoir reçu un électrochoc de 50 000 volts, eh bien, le jeune de 15 ans est mort. Après ça, on va dire encore qu'il n'y a aucun effet, que c'est sûrement pas le taser, que ça n'a rien à voir avec la mort de l'enfant, évidemment. C'est comme ça que Taser International se défend depuis toutes ces années, depuis qu'on a introduit ces tasers-là. Et puis non seulement on n'a pas arrêté de les utiliser, d'essayer de les vendre comme étant des outils qui sont fiables et puis qui sont sécuritaires, on va pousser plus loin le front et puis on va maintenant sortir une nouvelle génération de fusils taser qui vont être sans fil parce que là, vous aviez la version actuelle qui ont un genre de petit fil qui part avec un genre de petit hameçon qui va s'arrimer dans la peau de la personne qui est visée. Et puis là, vous avez la décharge électrique qui passe. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand on va commencer à vendre des nouveaux modèles comme ça qui n'ont même plus besoin de ce fil-là, donc on a une meilleure portée. Et il ne faut pas se leurrer là-dessus, là, chers auditeurs, même l'ONU l'a déclaré comme étant une arme de torture. Et puis, c'est ce que les fermiers utilisent, hein, des genres de petits trucs là, de bâtonnets électriques, là, donc, ou les, comme si vous voulez, les genres de clôtures électrifiées là, qu'on a autour de ces champs-là pour les vaches. Donc, c'est un problème à faire. C'est comme ça que, hein, on fait bouger le bétail. Et puis, maintenant, ben, c'est utilisé contre les humains. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment qu'on nous perçoit, hein, comme du bétail. Ensuite, vous avez la Croix-Rouge qui a décrit ce qui se passait dans les prisons de la CIA comme étant de la torture. Donc, on a un rapport secret qui a été finalement intercepté et publié. Et puis, on a accusé l'administration Bush de traitement de supposés captifs de l'Al-Qaïda, donc leur traitement qui constituait de la torture. On a aussi écrit dans ce rapport-là que les méthodes d'interrogation de la CIA violaient la loi internationale. Alors, un autre document à les consulter. Et puis, par rapport à ça, vous avez aussi la Cour en Espagne qui va commencer à considérer de poursuivre le gouvernement Bush et plusieurs officiels là, qui ont servi sous le gouvernement Bush. Donc, vous avez aussi là, Alberto R. González qui a carrément, là, si vous voulez, autorisé, rendu légal, la torture. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour les traîner en cours et puis faire respecter la loi internationale même à ces officiels américains-là. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que c'est la même cour qui avait traîné, qui avait réussi finalement à mettre le grappin sur Pinochet. Donc, c'est peut-être un bon signe, c'est-à-dire que cette cour-là a déjà eu un certain succès dans le passé à poursuivre des criminels de guerre et ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. Et on sait très bien que ces officiels du gouvernement Bush-là en ont commis pas mal plus que Pinochet. Ensuite, vous avez une liste qui a été publiée cette semaine qui montre la liste définitive des prisonniers qui ont été placés à Guantanamo depuis le début. Donc, vous avez un article là, en quatre parties. qui vont vous montrer le nom de toutes les personnes qui ont été détenues à Guantanamo, dont la grande majorité ont été torturées. Donc, ça, c'est aussi de quoi qui est assez intéressant. On commence à avoir des preuves tangibles de tout ce qui se passe là-bas. Dans les autres nouvelles de Big Brother, on a aussi les techniques de sécurité dans les aéroports qui commencent à être débattues. On a introduit aux États-Unis, par certaines places, dans d'autres pays comme en Angleterre et puis possiblement au Canada, des techniques de détection du comportement bizarre, si vous voulez, là, bon, suspect, pour essayer de, si vous voulez, prévenir du terrorisme, donc d'intercepter des potentiels terroristes à l'aéroport. Et on a découvert avec l'observation que non seulement ça ne servait absolument à rien, qu'on n'en venait à rien avec ceci, mais que ça constitue aussi d'énormes violations potentielles à la vie privée, aussi de profilage ethnique, évidemment. Donc, ça, c'est encore des nouvelles qui viennent confirmer que la guerre contre le terrorisme est de quoi qui est implémentée seulement pour maintenir la population dans un, si vous voulez, un état de peur, hein, parce qu'on sait très bien que les populations sont beaucoup plus facilement manipulables quand qu'elles sont dans un état de peur. Donc, on a maintenant une menace fantôme comme ça, tout le temps bougeante. Le terrorisme, on peut même pas combattre le terrorisme. En fait, c'est une technique. Une technique de résistance que bien souvent des peuples opprimés et puis sans défense et puis sans espoir utilisent. C'est comme une technique de dernier recours. Donc, comment amener une guerre à une technique? Je veux dire, c'est complètement incroyable. C'est comme si vous aviez parti une guerre contre les uppercuts ou les crocs en jambes, tu sais. C'est assez incroyable, là. Donc, c'est évidemment une fausse guerre en carton pour justifier un paquet d'affaires, surtout couper dans nos libertés à la maison et pour justifier des guerres néocoloniales à l'étranger. Ensuite, un autre exemple de ça, c'est que vous avez la police du Missouri qui a été obligée de retirer un mémo qui étiquetait un activiste de milice. Okay? Donc, on est en train carrément aussi aux États-Unis de rendre les gens qui s'opposent aux politiques du gouvernement comme étant des terroristes. Donc, vous avez même un article, là, c'est ça, qui avait été publié, puis qui nommait certains groupes libertariens, puis de chrétiens, puis de constitutionnalistes là-bas, et puis de supporters du groupe de Ron Paul, qui s'était présenté aux dernières élections sous les républicains, mais en fait, un homme, probablement le seul espoir qu'il avait en réalité, là, qui est encore un homme du Congrès, donc qui siège toujours là-bas. Et on a qualifié ces supporters de potentiels terroristes là-bas, donc probablement d'extrémistes. Donc, c'est assez incroyable comment que tranquillement, comme on vous disait ici sur l'autre monde depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, que la peur du terrorisme a été d'abord lancée sur les musulmans, mais que peu à peu, évidemment, ce groupe-là était pour inclure à peu près n'importe qui s'oppose aux politiques du gouvernement. Et c'est exactement ce qu'on voit se passer. Ensuite, au Venezuela, si vous vous rappelez, une couple de semaines, je vous disais qu'il y avait donc des tentatives là d'essayer de démoniser le Venezuela et puis Hugo Chavez, parce que Hugo Chavez avait expulsé les gens de l'ambassade israélienne suite aux attaques sauvages qui ont été perpétrées sur Gaza. Et on a essayé de blâmer le Venezuela et puis des accusés d'antisémitisme. Et on a eu une attaque particulière sur une synagogue. Et on a assez de blâmer ça sur des extrémistes antisémites là-bas. Et puis finalement, les suspects qui ont été attrapés, qui sont maintenant jugés en ce moment, sont reliés à cette synagogue-là. Donc, un des suspects est un gardien du corps du rabbin qui gère cette synagogue-là. Et puis un autre des suspects est un des deux gardes de sécurité qui était sur le chiffre de travail durant l'attaque. Qui ont aidé les gens, les attaquants, si vous voulez, à s'introduire dans la place en déactivant l'alarme, imaginez-vous donc, et puis la clôture électrique qui entourait le bâtiment. Donc, quand on voit comment aussi qu'Israël essaye de jouer la victime comme ça et puis monte des fausses attaques sur elle-même pour essayer de nous faire pleurer puis de se faire paraître comme étant une victime de la prise aux prises de, si vous voulez, de méchants antisémites, alors que c'est vraiment les sionistes et puis plusieurs éléments israéliens et les extrémistes juifs qui ont perpétré carrément un massacre sur la bande de Gaza et puis qui ont maintenu depuis les années 60 une occupation militaire de la bande de Gaza en volant plus de 80% de leur territoire. Et d'ailleurs, vous apprenez dans les nouvelles de façon hebdomadaire encore d'autres démolitions de maisons. Donc on arrive, on démolit les maisons, on prend contrôle du territoire, on efface des villes, on les renomme. Ça s'est fait plusieurs fois, même c'est documenté par Google Maps. Donc, ça, c'est des affaires très importantes. Big Brother qui cible Facebook. Donc, pour ceux qui sont des gros fans de Facebook, faites attention encore. Vous avez Facebook là, qui est au plus haut niveau relié avec des institutions gouvernementales, la CIA et la NSA. Ça, c'est de quoi qui est carrément documenté. Là. Il n'y a aucune erreur là-dessus. Là. Donc, vous avez carrément les gens qui s'en vont mettre toute leur information sur ce réseau-là. Et puis, c'est comme si vous alliez au département de la police ou de la sécurité, des services secrets, allez leur donner toute votre information personnelle et les autoriser à l'utiliser pour la vendre et puis la commercialiser, faire de l'argent avec ça. On contrôle, on garde tout en mémoire, vos allées et venues, tout ce que vous faites, toutes vos informations que vous mettez là-bas. Ça devient propriété de Facebook. Et même si vous désinscrivez du site, on continue quand même de garder ces données-là pendant très longtemps. Même si vous êtes utilisateur et puis que votre Facebook n'est pas ouvert, on est quand même capable de suivre à la trace. Vous allez venir sur Internet et puis d'enregistrer toutes ces informations-là. Donc, allez voir les vidéos. Vous avez une petite vidéo, allez voir là-dessus. Et vous allez voir comment que c'est lié avec la CIA qui sont à la tête de ça. En Afrique, ça, c'est un peu le bordel aussi. Vous avez les États-Unis qui ont bombardé certaines positions au Soudan, donc les États-Unis qui rouvrent dans différents fronts de guerre, certaines, ce qu'on appelle des guerres à basse intensité, qui sont peu médiatisées, mais qui sont pourtant très réelles. Donc, vous avez les forces aériennes des États-Unis qui ont lancé différentes attaques sur des suspects, OK? Donc, des suspects, des gens qui supposément transigent des armes, donc on prend pas le soin là, de savoir si ces gens-là sont vraiment des criminels ou pas, et puis à savoir qu'est-ce qu'on se mêle de nos affaires dans un autre pays étranger. Et puis on utilise notre armée, puis on bombarde des positions comme ça dans un pays, ce qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est une autre nouvelle aussi à les consulter. Les fausses promesses d'Obama de la paix et puis d'arrêter de faire la guerre à travers le monde étaient carrément encore des mensonges. Plus de changements encore, yes, we can. On essaye de partir des guerres, peu importe, d'un bord ou de l'autre. Puis ça va faire partie aussi des nouvelles économiques un peu plus tard, là. On essaie de partir des guerres au plus sacrant parce que là, on a besoin de divertir les gens de la crise économique puis de la vraie responsabilité de tout ce qui se passe en ce moment. Et aussi du fait que les gens commencent à se réveiller sur les vrais artisans de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, on essaie de repartir une nouvelle guerre, soit régionale ou mondiale, peu importe, tout ce qui va passer va faire l'affaire, que ce soit contre l'Iran ou ben non le Soudan ou n'importe quel autre pays. On va essayer de partir une autre guerre et puis ça, c'est très, très clair. Vous allez voir aussi des nouvelles dans les sections du Moyen-Orient qu'au Pakistan, les États-Unis essayent de monter encore la tension là-bas, on veut intervenir, on continue d'envoyer de l'argent dans ce pays-là qui, on sait, a déjà supporté le terrorisme et en partie responsable ou être lié au 911. Vous avez d'autres troupes qui ont été annoncées par Obama qui vont se déployer vers l'Afghanistan. Obama qui a flanché à ses promesses et puis qui va finalement laisser au moins 50 000 troupes en Irak. On ne va pas retirer les troupes de là avant au moins 23 mois, alors qu'il avait promis de les retirer immédiatement après avoir été élu. Donc, ça, c'est toutes sortes de nouvelles encore qui montrent que, si vous voulez, la poussée hégémonique, la poussée militaire de contrôle colonial, si vous voulez, dans le monde, là, pour contrôler les ressources et puis les différentes populations de différentes régions, ne va pas s'arrêter. C'est beaucoup plus fort. Ça dépasse Obama. Obama n'est juste qu'un frontman pour tout ça. D'autres nouvelles aussi de faux terrorisme. Vous avez le président du Yémen qui a déclaré cette semaine que les forces de sécurité avaient arrêté un groupe de supposés islamistes, donc des supposés faux militants islamistes qui étaient liés en fait avec des réseaux des services de renseignement israéliens. Donc ça, c'est pas la première fois que ça se passe dans cette région-là. Ça s'était même passé aussi en Nouvelle-Zélande il y a environ 2 ans où on avait mis la main sur des gens qui espionnaient sur la Nouvelle-Zélande carrément. Et puis c'était des gens, des opérateurs, des agents du Mossad. Donc ça, vous avez aussi des scandales aux États-Unis assez importants en ce moment là, qui continuent de faire rage d'espionnage d'Israéliens sur les États-Unis. Donc c'est pas un dossier isolé et puis c'est de quoi qui se passe depuis plusieurs années. Un autre gros cas qui fait la manchette, c'est la Corée du Nord qui se prépare à lancer un missile pour pratiquer ou envoyer de quoi en orbite. Donc, on est en train de lancer un satellite en orbite. Et puis là, vous avez le Japon et surtout les États-Unis qui en fait tout un cas et puis est en train de monter ça en épingle en voulant dire que la Corée du Nord a fait des tests balistiques. Et puis là, on commence à halluciner que la Corée du Nord va attaquer différents pays de la région ou même les États-Unis. Donc, on se dit même épeuré que la Corée du Nord puisse tester un missile qui pourrait atteindre l'Alaska. Donc, là, ce qu'on a fait du côté des États-Unis, c'est qu'ils ont déployé des navires de guerre et le Japon s'est dit prêt à descendre n'importe quel missile nord-coréen du ciel. Donc, tout un gros flafla encore pour un lancement de satellites. Donc, ça, c'est de quoi qui est spécial. C'est pas la première fois qu'on utilise un missile avec des fonctions militaires pour lancer un satellite. On fait ça aussi de façon courante aux États-Unis. Ça, c'est déjà fait. Donc, voilà, quoi encore, beaucoup de brouhaha pour rien. Et alors qu'on a toujours le problème d'Israël qui a des armes nucléaires sous Dimona et puis on n'a jamais aucune inspection qui est faite là, on n'en parle jamais dans les médias, alors que c'est ça qui devrait être dans les médias un peu partout, mais vous voyez encore là qui les contrôle. Le gouvernement de la République tchèque s'est écroulé cette semaine, donc ça en fait trois jusqu'à date. Donc, vous avez celui de l'Islande, République tchèque, et puis celui de la Lettonie qui se sont écroulés suite au soulèvement, si vous voulez, populaire contre les gouvernements qui ont vraiment entraîné le peuple dans un trou financier en ne prenant pas soin des finances du pays. Donc, c'est de quoi qui risque de se propager à plusieurs autres pays. Donc, on s'attend à un été assez chaud. Vous savez, la police qui a identifié 200 enfants en Grande-Bretagne, certains qui étaient aussi jeunes que 13 ans. Et puis, on a parti un nouveau programme là-bas assez hallucinant depuis l'été dernier. Et on avait commencé avec environ 10 enfants là-bas. Donc, on a un programme pour essayer d'identifier des terroristes potentiels. Évidemment que vous comprendrez que plusieurs jeunes islamistes sont visés par ça. Et on essaie de détecter comme ça, chez les enfants, certains radicaux, certains extrémistes qui pourraient devenir de l'Al-Qaïda plus tard. Et là, vous avez déjà une liste de 200 enfants. Donc, c'est absolument ahurissant de voir l'État policier comme ça, maintenant même se virer contre des enfants et puis essayer d'étendre la menace et la peur contre ces gens-là. Ensuite, vous avez une nouvelle assez hallucinante quand on parle d'erreurs policières, d'État policier. Ça n'arrête pas aux États-Unis. Là, vous avez eu un raid, une descente dans une maison d'un maire de la ville, Prince George County Police, donc qui est débarqué sur cette ville-là. Donc, c'est assez spécial. On avait fait une erreur. On pensait que la personne qui habitait là, donc le maire de la ville, transigeait de la marijuana. Donc, on est arrivé là avec une équipe de... écoutez, là, de policiers, là, de l'équipe tactique, là, carrément débarqué, on est défoncé à la porte. Et ils ont tué les deux chiens en rentrant, donc des labradors qui étaient là dans le salon. Et puis, sap, on a mis la femme à terre, le nez, la face la première à terre. On a menotté le gars, on les a fait attendre comme ça plusieurs heures avant de se rendre compte que c'était une erreur de la police. On s'est retrouvé avec deux chiens morts dans le salon avec du sang partout. La famille carrément terrorisée. Quand on parle de police, carrément là, hors de contrôle, là, je veux dire carrément là, dérape total, là, voilà un bon exemple. Après ça, on se demande, je veux dire, à quel point les citoyens ne seraient pas alloués de se défendre aussi à un moment donné, là, si c'est pour être comme ça, là. Vous avez plusieurs États aux États-Unis là, qui ont connu des cas pareils, là, où on rentre dans les maisons sauvages, on défonce la porte et puis on s'aperçoit que c'est une erreur. Les personnes meurent d'une attaque de cœur, du cœur. Écoutez, là, c'est assez incroyable, on meurt d'une balle dans la tête. Voilà pour les nouvelles internationales. On part en pause, on se retrouve tout de suite après. êtes de retour sur l'autre monde pour la dernière partie sur l'économie. Encore, le temps nous presse, mais je vais essayer de vous concentrer les nouvelles les plus importantes et puis à vous d'aller découvrir le reste. Mais pour vraiment percer au travers du voile, encore une fois, de toute cette crise économique-là, il y a différents points clés à comprendre. On commence à réellement voir le prospect du fait que les États-Unis vont avoir deux options par rapport à toute cette dette qui s'accumule sur ses épaules, et puis c'est la menace de la banqueroute carrément des États-Unis. Et on s'aperçoit que justement, une de ces deux options-là va être de créer une guerre à quelque part, peut-être une guerre mondiale, une guerre régionale. Plusieurs articles à les consulter là-dessus. Et l'autre option est évidemment de déclarer faillite ou de déclarer qu'on ne pourra pas rembourser sa dette, donc de faire défaut sur sa dette. Et c'est aussi un autre prospect qui risque très fort probablement d'arriver. Évidemment qu'en imprimant autant d'argent comme ça dans le système, en essayant de sauver l'économie avec ces différents plans de sauvetage-là, on vient imprimer encore plus d'argent, de créer de l'argent dans le système. Il ne faut pas oublier que cette bulle des dérivatifs, qui est la cause principale et la cause première de toute cette débandade économique-là qu'on vit, est une bulle qui, comme je vous parlais il y a deux semaines, est énorme, mais énorme. Vous savez, la fameuse bulle des subprimes qui a éclaté aux États-Unis était une bulle d'environ de 23 000 milliards de dollars, alors que celle-ci est d'une grandeur de 700 000 milliards à 1 500 000 milliards de dollars. Alors, une bulle qui est tellement grande qui risque d'entraîner dans un trou noir tout le système financier. On parle d'une bulle qui est plus grande que tout le produit intérieur brut de tous les pays du monde, OK? Donc, c'est de quoi qui est absolument massif. On se dirige évidemment vers une situation où l'économie mondiale pourrait crasher encore passer plus qu'une dépression, parce qu'encore là, vous avez les politiciens et les médias qui refusent d'appeler ça une dépression, mais c'est bel et bien une dépression à laquelle on assiste. Alors, vous avez cette bulle des dérivatifs-là qui est simplement 12 fois plus grand que tout le PIB mondial. Et après ça, on vous dit que le pire de l'économie est déjà passé, qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Attachez votre ceinture, attachez votre truc avec la broche. Ça ne fait que rentrer au poste. Et puis, si on ne gèle pas toute cette bulle-là, carrément, la dissoudre peu à peu et puis l'éliminer carrément, tout cet argent spéculatif-là, cet argent bancaire-là qui ne vaut rien, eh bien, la tempête, elle va frapper de façon absolument spectaculaire. Et évidemment que c'est ce qui risque d'entraîner aussi énormément de soulèvements sociaux, de révoltes, et puis c'est encore de quoi auquel je n'invite pas les auditeurs à participer, parce qu'évidemment que vous allez avoir des provocateurs. On attend de pied ferme tous ces manifestants-là. On a d'ailleurs plusieurs nouvelles aux États-Unis qui nous montrent qu'on est en train de bâtir officiellement des camps du FEMA. Des camps qui vont être bâtis sur des anciennes bases militaires. Donc, on se demande évidemment à qu'est-ce que vont servir ces camps d'internement-là. Eh bien, chers amis, posez pas trop de questions. Vous allez voir très rapidement ce qui va se passer avec ça si vous vous révoltez. Vous avez les États-Unis qui est le plus grand emprunteur du monde. La dette nationale des États-Unis a excédé les 11 trilliards de dollars. Et puis, c'est à peu près le même montant qui a été promis et déjà payé à différents banquiers. Donc, vous aviez une dette nationale de 11 trilliards, donc c'est 11 000 milliards de dollars. Et vous avez en un an la même quantité d'argent qui a déjà été dépensée et puis promis aux grands banquiers, aux grandes compagnies comme AIG. Et puis, ces grandes compagnies-là, d'ailleurs, de AIG, hein, qui ont été remboursées, qui ont été sauvées avec l'argent des payeurs de taxes à l'ordre de centaines de milliards de dollars. Les exécutifs là-bas, les grands CEO, se sont payés de larges bonus de plusieurs millions de dollars. Après ça, on se demande comment ça se fait que l'administration Obama tolère ça, même si on fait bon bien du vent dans les médias, comme quoi qu'on serait furieux contre ça. Il faut pas oublier que Obama lui-même et plusieurs de ses représentants, de ces gens qui travaillent avec lui dans son gouvernement, ont été largement, grassement, si vous voulez, là, laver avec les grands billets des centres financiers, des grandes banques. Donc, les grandes banques qui ont été les plus grands donneurs à la campagne électorale d'Obama et puis à plusieurs de ses officiels qui travaillent dans son gouvernement. Donc, gros conflit encore là d'intérêts. C'est tellement ridicule qu'on se retrouve avec des montants comme ça de 1 million 500 000 milliards de dollars. Si on divisait ça par la quantité d'humains sur la planète, on se rendrait compte qu'il y en a pour 190 000 dollars par personne. Donc, après ça, on se demande comment ça se fait que l'économie ne va pas bien, chers amis. C'est ça qui est en train de tomber. Vous savez, la Dow Jones qui est descendue à des niveaux très bas, à peu près 5 000, pas loin même du 6 000. Et on est en train de remonter vers les 8 000, 9 000. Attendez-vous encore une secousse comme ça. On va essayer de remonter la confiance du marché. Vous pouvez vous attendre à la Dow Jones là, de remonter au-dessus des 9 000, peut-être même 10 000. Essayer de faire en sorte que les gens qui leur restent encore un peu d'argent après avoir été sévèrement lavés les derniers mois retrouvent un semblant de confiance et puis réinvestissent le reste de leurs jetons là-dedans pour aller les laver encore une dernière fois en faisant tomber la Dow Jones. Et vous avez des nouvelles, même des gens, des analystes qui s'attendent à ce que le prix de l'or, à un moment donné, croise la valeur de la Dow Jones. Donc, un prix de l'or à 2-3 000 $ et vous avez la Dow Jones qui risque de baisser à des niveaux aussi bas que 3 000. Des affaires aussi très choquantes, comme quoi qu'on alloue des dizaines et des centaines de millions de dollars aux grands banquiers et aux gens de Wall Street, alors qu'on va allouer seulement que 730 millions de dollars pour essayer d'aider les petites business aux États-Unis. Et puis encore là, ce n'est pas de l'argent que le gouvernement fédéral va donner directement aux petites business. Donc, c'est 730 millions de dollars des payeurs de taxes qu'on va donner aux banquiers pour que les banquiers puissent la prêter aux petites compagnies. Imaginez-vous donc, on ne va pas leur donner aux petites compagnies, pas comme on fait aux grandes banques. Non, non, non, non. Aux petites compagnies, comme ça, on va leur prêter. Donc, on prend l'argent des payeurs de taxes, OK, qu'on donne aux banquiers pour qu'ils puissent, après ça, la prêter avec intérêt à ces petites compagnies-là. Donc, voilà la façon qu'on traite les gens là-bas aux États-Unis. Voyez comment qu'on traite les citoyens en prenant votre argent, puis après ça, vous la prêtant avec intérêt. Donc, ça, c'est des affaires qui sont importantes à considérer dans cette crise économique-là. Vous avez aussi une phase de la panique tu sais, qui risque à un moment donné d'entraîner un raz-de-marée. C'est un château de cartes dans lequel on vit en ce moment, puis tout ne tient qu'à une fragile confiance qui est en train de s'effriter à la vitesse de la lumière. Et ce qui risque de fesser le plus rapidement, c'est de se rendre compte que les modèles de prédiction économique à Washington ne fonctionnent pas, ne valent pas absolument rien. Vous allez aussi avoir la population qui va se réveiller quand on va se rendre compte que l'économie est en train de s'effondrer à une vitesse de 3 à 5 fois plus rapide que ce qu'on avait prévu. Donc, ça, c'est aussi de quoi qui est assez hallucinant. On avait prévu une baisse de 1,2 à 2 % de l'économie aux États-Unis, alors que juste dans le dernier quart de l'économie, on s'est rendu compte qu'elle avait descendu de 6,2 %. Donc, les gouvernements et puis les médias qui nous disaient qu'on était en récession et que, bon, la situation n'était pas si grave que ça. On s'aperçoit que la chute de l'économie, la dégringolade s'effectue à au moins un rythme 3 fois plus accéléré que ce qu'on pensait. Ensuite, on va s'apercevoir aussi que les plans de sauvetage du gouvernement ne font qu'approfondir et puis élargir le problème et puis vont le prolonger de façon très longue. On s'aperçoit que le déclin économique va être encore plus rude, étant donné qu'on a dépensé de l'argent qu'on n'avait pas. On a empiré le problème. On avait un problème qu'on avait trop de dettes, et puis là, pour essayer de régler trop de dettes, ben on rentre dans plus de dettes encore. Donc, évidemment que on se demande bien comment on pourrait sortir du problème, hein, avec plus de problèmes du même type. Ensuite, on va s'apercevoir aussi que les investisseurs qui ont pas réagi assez rapidement pour se protéger vont probablement perdre autant que 90 %, sinon virtuellement complètement tout ce qu'ils possédaient dans leur marché, dans les actions, dans tous ceux qui étaient investis dans le Wall Street. Et on risque d'assister à ce qu'on appelle une panique bancaire. Et puis une panique bancaire, ça s'est déjà produit à l'automne dernier en Angleterre avec la ruée qu'il y a eu sur la Northern Rock, alors que les gens s'apercevaient que leur argent pourrait être carrément gelé dans leur compte en banque, donc on ne peut pas retirer notre argent et que leur avoir était pour être liquidé et puis complètement perdu. Donc c'est probablement ce qui va se passer. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, c'est passé un événement qui a été très peu rapporté par les médias, encore moins au Canada. Et puis, c'est ce qu'on a nommé l'événement économique du 9-1. Donc, on l'a appelé le 9-1 économique aux États-Unis parce que ça s'est passé à peu près aux mêmes dates, juste un petit peu plus tard, c'est-à-dire une semaine après, environ le 18 septembre 2008. On a eu une attaque du système économique américain. On a essayé de le jeter à terre de façon volontaire. Et puis ça c'est de quoi qui est documenté. Là, on le sait, là, ça a été admis dans plusieurs médias aux États-Unis. Vous allez avoir les liens sur les nouvelles internationales. On a essayé de semer une panique au gouvernement en retirant des quantités d'argent phénoménales. Okay? Donc, dans les premières heures de l'ouverture des marchés, on a assisté à la disparition de 550 milliards de dollars. En peu près l'espace de quelques heures, environ 2, 3 heures. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est aperçu de ça et on s'est rendu compte que si on laissait l'hémorragie se poursuivre, qu'à la fin de la journée, il y aurait eu probablement plusieurs milliers de milliards de dollars qui auraient disparu comme ça. Donc, on a saigné le système pour essayer de créer une crise et ça a été grâce à l'intervention de quelques personnes. On a arrêté l'hémorragie, puis on a fermé le marché, alors qu'on avait déjà perdu à peu près 550 milliards de dollars. Donc ça, c'est un événement très particulier, à savoir qui a essayé de causer cette saignée-là, essayé de jeter à terre l'économie américaine en une journée. Et ça a été rapporté par différents représentants du gouvernement américain. Donc, évidemment qu'on pourrait savoir qui est derrière ça, mais comme pour le 911, on prétend qu'on n'a pas accès à ces dossiers financiers-là, ces transactions financières-là, et on laisse les vrais perpétrateurs s'en sortir. Et c'est assez spécial parce qu'au lendemain du 911, alors qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu des actions qui avaient été trafiquées sur American Airlines puis United Airlines, qui avaient été vendues en short option. Et puis qui était misé sur le fait que les compagnies étaient pour perdre énormément de valeur cette journée-là. Alors, c'est ce qu'on appelle du insider trading, donc des gens qui ont nouvelles, qui ont des vents de des événements qui vont se produire et puis qui sont placés pour en profiter. Donc, normalement, on ne peut pas faire ça, c'est criminel, mais ça a été fait durant le 9-1. Et puis, au lieu de sortir les gens, parce qu'évidemment que si vous voulez faire de telles transactions, vous devez être inscrit, on sait toute l'identité de ces personnes-là. Et puis, on a refusé d'enquêter là-dessus puis de révéler les noms des personnes qui s'étaient positionnées comme ça pour profiter. Et puis la même affaire pour le 18 septembre 2008, alors qu'on a eu cette saignée du système économique-là, on aurait pu savoir qui a essayé de ruiner le gouvernement, de jeter à terre l'économie américaine dans une journée, alors qu'on a saigné d'environ 550 milliards de dollars en quelques heures. Et puis on refuse de savoir qui a fait ça. Donc ça, c'est assez spécial. Au lendemain du 9-1, il n'y avait qu'une nation qu'on a protégée d'un tel secret. Et puis on a déclaré ça secret national, donc pour sécurité nationale, alors qu'on savait très bien que maintenant c'est documenté. Là, c'est pas moi qui essaye de faire, si vous voulez, là, de l'information, de la désinformation, de la propagande. Mais on sait très bien que Israël est impliqué là-dedans. Donc le Mossad, les services secrets, la CIA. Donc ça, c'est de quoi de très important à aller voir une attaque qui a été faite sur l'économie. Là, vous avez Obama qui a tenu des rencontres avec les banquiers cette semaine, qui a déclaré très plaisant, et puis tous les banquiers sont absolument sont charmés par Obama et puis par ses mesures. On va encore prendre plus de l'argent des payeurs de taxes, puis la donner à ces banquiers-là. On va essayer de sauver toutes leurs pertes. Donc, on parle souvent de nationalisation des banques aux États-Unis, et puis on est très loin de la nationalisation des banques. Écoutez, là, vous avez une liste de banques de 250 là, qui sont probablement dans la misère. On parle de Bank of America et puis la Citi qui risque de faire faillite d'ici 30 à 60 jours. Et le plan de Geithner, qui est un ancien justement du secteur bancaire, avec plusieurs autres personnes qui travaillent dans le gouvernement d'Obama et puis ceux qui sont à la tête là, du programme de sauvetage qui viennent de différentes banques comme Goldman Sachs et puis JP Morgan. Et puis évidemment que tous ces gens-là sont très contents, on se rencontre ensemble, évidemment que ça donne plus de pouvoir aux banques. On nationalise les pertes des banques et puis on privatise les profits. On parle de nationalisation des banques, mais ce n'est pas une nationalisation des banques qui se passe. C'est en fait une privatisation du gouvernement. C'est une prise de contrôle, un coup d'État des banques, et puis on prend contrôle du gouvernement. Et à voir le nombre de personnes qui siègent dans le gouvernement Obama qui sont issues directement des grands artisans, des grandes banques, des grandes compagnies financières. Qui ont été les artisans de la crise financière qu'on connaît en ce moment, qui ont dérégulé le marché bancaire et financier, qu'on a enlevé le Glass-Steagall Act, qui compartimentalisait les firmes financières et puis les banques, qui prévenait justement la grande bulle, l'expansion de cette bulle des marchés dérivés-là. Donc, on a tout défait de cette structure-là pour faire en sorte qu'on profite au maximum, sachant très bien que le système était pour s'écrouler par après, et qui sont au contrôle du gouvernement d'Obama, qui donne des plans de sauvetage, des centaines de milliards de dollars des pertes de taxes, qui vont devoir être remboursés par ces gens-là, et qu'on donne aux artisans de la crise. Eh bien, ce sont tous justement ces gens-là qui travaillent en ce moment pour les banquiers, les anciens des banques. Donc, vous avez finalement une panoplie de gens, comme je vous disais au début de l'émission, qui ont travaillé pour les banques, les milieux financiers, des gens qui sont aussi membres du CFR, de la commission trilatérale et puis du Bilderberg. C'est un coup d'État privé, corporatif, qui a pris contrôle du gouvernement. Donc, on assiste à un gouvernement qui a été pris de contrôle par un coup d'État par des compagnies. Donc, on parle de fascisme. C'est la définition même du fascisme. Donc, allez consulter ça. Un tas de nouvelles, chers amis, là, absolument intéressantes là, et importantes à les consulter. Donc, on va se quitter là-dessus pour cette semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine encore plus de nouvelles sur l'économie et puis d'autres nouvelles du Moyen-Orient et puis possiblement sur les changements climatiques, dossier très chaud aussi qui évolue énormément. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. C'était François Marchand pour L'Autre Monde.